Vous voulez aimer le backgammon? Ah, j'adore. C'est, je sais même pas comment. Il y a un club de backgammon qui recherche des personnes. Fais péter le numéro, appel. Je peux m'inscrire? Bien sûr. Allô, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'appelle pour le club de backgammon. Ah, bien. Voilà. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous entendre. Pourquoi? Ça fait des joueurs, quoi. Ah, parce que j'aime bien le backgammon, vous savez. Eh ben, tant mieux. Ça fait des années que j'y jouais. Parce que je jouais très longtemps, je jouais avec ma femme devant la télévision. Ah ben, très bien. Et oui, et puis... elle m'a quitté. C'est des choses qui arrivent, là. Oh, c'est bien du malheur. Alors, je veux noter votre nom? Oui, Flouzier. Flouzier, L-A-U... Flouzier. J'ai... Mettez le sonotone sur 10. Flouzier. L-A-U-G-U-R. Non, F-L-U-Z-I-E. Comment? Flouzier. Appelez-moi, s'il vous plaît. Alors, F... F... L... L... F-L... J'ai F-L-U... O-U... Attendez, recommencez. F-L-O-U... F-L... Non. F... F... L-O... L-O... Comment? U... U... Ah, ça y est. Monsieur Flouzier, à l'appareil. Flouzier? Non. Ah, je voulais dire Flouzier. Je préfère appelez-moi les lettres les unes après les autres. Vous êtes un petit peu sourd, peut-être. Peut-être. Alors, F. F. Oui. Vous voulez que je parle fort? Non, ça va. F. F. F. L. L. O. O. Yeah. Comment? Yeah. U. Yeah. U. Yeah. Comment? Yeah, à la fin. Non, F, L, O. Après l'O, il y a un U. Oui. Et après? Un I avant. Un I avant l'U? Oui. Oui. O, ça I, fait flou. J. G. Flou. J. Comment? Ça fait flou. J. Je comprends pas du tout. Ça hein. Fait flou. J. Flou. J. Voilà. J'ai du malheur. Il a trouvé. Flou. J. Flou. J. D'accord. Flou. J. À quel endroit êtes-vous? Draguignan. L'adresse? Avenue Général de Gaulle. Avenue Général de Gaulle. C'est quel numéro? C'est là où j'habite avec ma femme. Quel numéro? Ma femme, j'ai la numéro 1, j'en ai eu qu'une, vous savez. Non, mais le numéro d'autre adresse. Oh, on était bien tous les deux, puis elle est partie. Maintenant, je suis seul pour jouer au backgammon. Non, mais le nom de votre... La rue. Et tout seul pour jouer au backgammon, c'est pas facile, hein. Quel est le numéro de l'avenue? Parce qu'à deux, on s'entendait bien, mais tout seul, c'est dur. Quel est le numéro de l'avenue? Donc, j'espère que vous allez être nombreux pour être avec moi, monsieur. Mais donc, dites-moi quel est le numéro de votre avenue. Parce qu'elle était toute, elle me laissait jamais toute seule, ma femme. Vous voulez pas me dire le numéro de votre avenue? Flouzier. Non, mais l'avenue, le numéro. F. Non, mais le nom de. Le L. Numéro. O. Non, mais le numéro de l'avenue. Ah, pardon, j'ai pas compris. Le numéro. Parce que j'ai bien du malheur depuis qu'elle m'a quitté. Non, mais rond-point, Général de Gaulle, quel numéro? J'ai jamais dit rond-point. J'ai dit avenue. Avenue, quel numéro? Alors, F. L. Non, mais je vous demande quel numéro de l'avenue? Je vous ai dit, j'en ai eu qu'une. Non, mais le numéro de l'avenue. Alors, F. Mais non, on se comprend pas, hein. Comment? Je vous demande le numéro de l'avenue. Ah, d'accord, 83. Ah, mais c'est ça, 83. 1300 Draguignan. C'est le code postal. Non, mais je vous demande le numéro de l'avenue. De qui? De vous, vous habitez une avenue, elle a un numéro. Mais pourquoi vous me posez ces questions? Votre maison a un numéro. Mais oui. Vous pouvez pas me donner le numéro? Mais si. Alors quel est-il? J'attends que vous me le demandiez. Quel est-il? Quel est-il quoi? Le numéro. De quoi? De l'avenue. Flouzier. Bah écoutez, on ne se comprendra jamais. Hein. Comment, pourquoi? Je vous demande le numéro de l'avenue. Ah, c'est pour le backgammon. Mais je vous demande le numéro de l'avenue, moi. D'accord, avenue Général de Gaulle. Mais quel numéro? 83. 83 avenue Général de Gaulle. Voilà. Ah ben voilà, c'est noté. 1300 Draguignan. 83-300. Voilà. Oui, d'accord. Au numéro 2. Qu'est-ce que c'est le numéro 2? J'habite au 2 avenue Général de Gaulle. C'est ce que je vous demande depuis tantôt. Ah bon? Je vous demande quel numéro, vous me dites pas. Ah, je suis au 2. Au 2, d'accord. Voilà. Vous êtes dans l'annuaire? Oh ben non, là je suis dans ma cuisine. Non mais vous êtes dans l'annuaire? Vous êtes en liste rouge ou vous êtes dans l'annuaire? Oh non, je suis dans l'annuaire. Ah ben d'accord, ça va. Ah ben oui. On va faire une réunion générale. Oh, vous m'inviterez? Certainement. Oh, ça me ferait plaisir de jouer au backgammon avec vous. Vous avez l'air tellement sympathique. Bon, ben écoutez, on se reverra. D'accord, avec bien du plaisir. Merci. Merci, vous avez mon adresse, monsieur. Hein. Oui, oui. 83 avenue Charles de Gaulle. D'accord. D'accord. Au revoir. À Draguignan. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est beau, la patience. Oh, qu'est-ce que t'es relou quand tu prends cette voix. J'ai la voix de la pitié. Oh là là, je suis infernal. Et en face, c'était la voix de la patience. Hein.